Chapitre 2. Fräulein Fifi de retour à Bad Mingolsheim. Je descends l'escalier de service menant à la cuisine, cet escalier presque jamais emprunté, et je m'assois sur la dernière marche. La tête dans les mains, je sens les larmes sourdre. Le mur est froid, le carrelage est froid, la réalité est implacable. Les émotions sublimes meurent-elles comme le reste? Il y a un an exactement, hier, oui, hier, nous étions là tous les deux enlacés, Aziz et moi. Pas de paroles, peu de gestes, je buvais à la bouche de mon ami comme à une source limpide. Un mois après mon retour en France, j'ai reçu une lettre de Mohamed m'annonçant une triste nouvelle, ayant plongé la famille dans la plus grande tristesse. Aziz est mort. Aziz? Mort? C'est impossible! Lui ai-je seulement dit au roi dans la confusion extrême de mes sentiments? Quelle horreur! S'ensuit dans la missive une description mélodramatique des circonstances de la disparition du jeune homme, foudroyé par une maladie brutale. Le cœur glacé, j'ai poursuivi ma lecture jusqu'à une phrase écrite en gros caractères. C'était une plaisanterie! Aziz est vivant! Bien vivant! Il est vivant mais n'a pas écrit. Il a sans doute passé son baccalauréat et va faire ses études de vétérinaire en France, comme il en avait l'intention. Nous aurions pu nous revoir. Du revers de la main, je balaye l'air. Il faut continuer de vivre. Et puis, c'est l'heure d'aller travailler. À mon apparition dans la cuisine, toutes les femmes s'exclament. Fräulein Fifi est de retour. Que c'est gentil de la part de Frau Oberin de l'avoir réengagée cette année. On m'embrasse, on me tâte les côtes. Elle a encore maigri, c'est une catastrophe. Jamais elle ne trouvera un mari. Les mêmes visages, les mêmes plaisanteries. Rien n'a bougé. Pourquoi être revenu ici à Bad Mingolsheim alors que j'aurais pu trouver du travail ailleurs? Par goût de la souffrance? Pour conjurer les émotions afin de pouvoir mieux continuer? Pour revoir certaines personnes amies? Je ne saurais dire. Je retrouve ma place derrière la machine à couper la charcuterie. L'odeur de l'Allemagne me saisit, m'enveloppe. Alors j'avale une première tranche, une deuxième, puis une troisième. J'ai faim, oui, faim, faim. C'est vrai que j'ai fondu et me sens fragile. Si Liselotte, la femme aux 15 poupées, savait ce que j'ai fait, elle s'arracherait les cheveux. Le travail machinal à la cuisine me laisse beaucoup de temps pour penser. Ce 15 août de l'année dernière a bien été une date fatale. Une page a été tournée quand j'ai suivi Klaus à l'hôtel alors que mon cœur était encore rempli de l'ami marocain. La Danoise assise devant moi dans la voiture de Rüdiger avait l'air tout à fait tranquille, elle. Je n'ai été ni violée ni brutalisée, car le garçon avait des sentiments pour moi. Il n'a été ni vulgaire, ni obscène, c'était gentil et doux, mais pas extraordinaire non plus. Aucun souvenir d'une quelconque sensation, nul bouleversement de l'être, pas de honte non plus. Je n'ai même pas perdu une goutte de sang, comme si j'étais restée intacte. Cette intrusion dans ma chair, je ne l'ai pas vraiment désirée, mais il semblait tellement y tenir. Et puis le moment de franchir le pas n'était-il pas venu? Le pas vers quoi, au juste? Y avait-il urgence? J'ai obéi à la curiosité et, plus sûrement, à une grande colère intérieure contre le rejet d'Aziz qui ne s'est aucunement battu pour me reconquérir. Blessé tout de même dans son orgueil, il a concocté avec son cousin une bafouille de gamin sans même m'indiquer son adresse. En pleine phase de mysticisme religieux à cette époque, j'ai prié la Vierge pendant plusieurs semaines de me pardonner cette défloration qui ne m'a ni remué en profondeur, ni été source d'un grand plaisir. Cet acte ne me liait-il pas désormais de manière irrémédiable à Klaus, sous le regard de Dieu? Je me suis sentie d'autant plus obligée de croire en la réalité de cet amour que le jeune homme, après mon retour en France, m'a chanté dans ses lettres tous les jours, ou presque, notre nuit sublime et son désir de me tenir dans ses bras. Maman, après avoir lu l'une des rares missives de Klaus écrites en français, m'a violemment giflée et enfermée à clef dans ma chambre, puis, au bout de plusieurs heures, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur la bêtise et la laideur du monde, elle m'a sommé de ne plus recommencer. Mais je lui ai répondu le plus tranquillement du monde que cela ne regardait que moi-même. On ne changera jamais ton sale caractère, tu n'en feras jamais qu'à ta tête. En constatant les mois suivants que mes relations avec Klaus se limitaient à un échange épistolaire, comme j'en avais déjà eu avec d'autres, elle n'a plus rien dit. Le soir, je suis seule dans le silence épais de ma chambre, la même que l'année précédente. Je ne sors pas car cette année je suis la seule étrangère à travailler ici, en dehors des deux Bosniaques, Esna et Hafna, très occupées avec leurs amoureux. Ont-elles oublié leur mari et les enfants restés au pays? Pour tuer le temps qui s'écoule interminablement, je lis Le Chaos et la Nuit de Monterland, dont l'atmosphère dépressive me renvoie à mon propre état d'âme. Je relis les dernières lettres de Klaus que j'ai apportées avec moi. Il rêve de me toucher, d'embrasser mon corps. Or, je sais ce qu'a coûté dans ma chair le désir et le plaisir de l'homme. Je suis perplexe. Quand il est venu me rendre visite en février, je n'ai pas éprouvé de sentiment d'étrangeté en le revoyant. Nous nous retrouvions dans une chambre minuscule, louée à une très vieille dame compatissante, parfaitement au courant de ce qui se passait sous son toit. Le soir, il dînait chez mes parents qui l'ont bien accueilli, ce qui m'a quelque peu étonnée. Je venais chercher mon ami chez lui avant d'aller à la faculté, ou bien il m'attendait en haut d'une rue, que nous descendions sans la voir, tout occupés à nous bécoter. Opération continuée à la bibliothèque et pendant certains cours d'une maîtresse de conférence qui ouvrait de grands yeux mais n'osait rien dire. J'avais alors le sentiment d'aimer et peut-être a-t-il existé une certaine forme d'amour entre nous, Klaus se montrant gentil et attentionné, sans être toutefois fou de moi. Sommes-nous réellement amoureux l'un de l'autre? Que savons-nous de l'amour en dehors de ce que nous avons lu dans les romans et vu dans les films? N'est-ce pas l'idée de ce sentiment que nous aimons avant tout et les jolis mots servant à emballer la chose? L'allemand me semble merveilleusement adapté à l'expression des mouvements de mon cœur. Vaguement consciente que je m'invente un sentiment dans une langue étrangère, je peux écrire et murmurer des mots d'amour dont les équivalents en français me paraissent mièvres et ridicules. Ce qui nous lie si fort, n'est-ce pas avant tout l'amour de l'art, une véritable religion? Klaus m'a fasciné dès lors qu'il s'est mis à parler peinture et m'a montré son carnet de dessins qu'il a toujours sur lui. Mes maigres économies provenant de cours particuliers donnés à des collégiens paresseux, je les ai consacrées à l'achat de pinceaux et de tubes de peinture très coûteux pour mon grand artiste étudiant à l'école des beaux-arts de Brunswick. Rien ne me semblait trop cher pour le dessinateur au trait fin et sensible qui, un jour, lui aussi, ne manquerait pas de marquer son époque de son empreinte. Ce séjour de Klaus en France n'a pas été sans ombre. La moue dédaigneuse de Klaus devant l'un de mes dessins m'a profondément blessée. Cela ne valait rien. Les femmes, des êtres jolis et plaisants sans doute, mais dépourvu du moindre pouvoir créateur, n'est-ce pas? Un coup de poignard, comme le jour où mon père s'est servi de l'un de mes tableaux peints sur une planchette pour clouer dessus son rabot. Folle de rage, l'adolescente de 15 ans que j'étais alors avait détruit toutes ses œuvres, se promettant d'abandonner à jamais la peinture. C'est seulement depuis ma rencontre avec Klaus l'été précédent que je m'étais remise à mes gribouillages. Il est très dur de convenir de sa médiocrité. Je n'ai pas tiqué devant l'affront, mais après le départ de mon ami, j'ai déchiré en tout petits morceaux le dessin en question. Je me rabattrai, me suis-je dit, alors sur mon autre domaine de prédilection, la littérature. La littérature allemande, en l'occurrence, puisque j'avais finalement choisi de faire des études d'allemand à la faculté de lettres. Ma prosternation devant le Seigneur et Maître, soucieux de régner sans partage sur son domaine, a trouvé très vite ses limites. Je me suis fâchée tout rouge le jour où il s'est emporté contre Josette, ma sœur cadette, qu'il accusait sans preuve d'avoir taché d'un postillon l'un de ses dessins posés sur mon bureau. Comment avait-il osé s'en prendre sur ce ton à ma chère petite sœur? Et puis était-ce si grave? Un sacrilège avait-il été commis? Il avait boudé toute une journée. Ce perfectionnisme inquiétant, très inquiétant, ce manque d'humanité, cet égoïsme d'artiste ont suscité en moi une réaction violente. J'ai crié et hurlé qu'il pouvait s'en retourner chez lui. La crise passée, j'ai battu ma coulpe. Le monstre, c'était moi, pas lui. En mettant aux pieds de Klaus mes économies, en le déifiant, ne l'ai-je pas conforté dans sa position de supériorité condescendante? Je me pose souvent ces questions. Je monte un soir au troisième étage de la maison de retraite pour saluer les personnes connues. Peu de choses ont changé. Quelques vieilles femmes sont mortes. Madame Hafner, la tétraplégique, est toujours en vie, mais dans un état dépressif profond, sans force pour articuler, le regard éteint. Gertrude ne me reconnaît pas, mais vient frotter sa joue contre moi. L'infirmière, Madame Bergman, m'adresse un sourire froid. J'ai le sentiment qu'elle déteste les Français. Quant aux deux petits vieillards, il semble qu'ils n'ont pas quitté leur fauteuil. L'un fait une fois de plus des gestes obscènes avec ses doigts en évoquant les petites femmes de Paris, tandis que Monsieur Barre pousse des exclamations de joie. Tu sais, me dit-il, j'aimerais bien vivre de l'autre côté du rideau de fer, car j'étais communiste dans ma jeunesse, avant l'arrivée de Hitler. Pourtant, il y en a qui fuient la RDA. Je sais bien, pourtant que notre idéal était beau. De retour dans ma chambre, des larmes dans les yeux, je ressasse une fois de plus de tristes pensées au sujet des relations avec l'autre sexe. Quels ont été mes meilleurs moments avec Klaus? Les ébats amoureux sont-ils la manifestation d'un sentiment profond? J'ai eu le sentiment de m'ennuyer un peu, de perdre un temps précieux. N'étais-je pas plus heureuse quand je lui faisais la lecture à voix haute de Tonio Kröger et de Mort à Venise de Thomas Mann? La littérature était un bonheur ineffable après ces intermèdes que je n'osais pas refuser par crainte de le froisser. Dans le désir, je ne perçois en vérité qu'un vulgaire besoin apportant moins de satisfaction que celui de savourer un bon chocolat. Oui, peu de plaisir en vérité, et que de graves conséquences. J'entends encore les cris de ma mère. Tu ne pouvais pas faire attention? Tu ne peux pas garder la chose, sinon le déshonneur rejaillira sur la famille entière. Pas question pour maman de nourrir un drôle de plus. Ah, non, merci. Elle a suffisamment donné avec sa ribambelle de frères et sœurs et les trois siens. Non, non et non. Une fois de plus, elle crache sa haine des enfants et de la vie. Klaus, de son côté, de retour en Allemagne, m'implore. Fais-le pour moi, fais-le pour nous. Je n'ai pas de quoi faire vivre un enfant. Mon père, les yeux perdus dans le vague, s'en remet à son épouse, car ces affaires-là sont des affaires de femme depuis toujours, n'est-ce pas? Aucun reproche de sa part, aucune menace, rien, sinon le silence d'un homme malheureux et désemparé, ce qui est pire. Personne ne veut de ce qui pousse dans mes entrailles. Mineur, avec seulement le baccalauréat en poche, sans emploi, sans argent, à peine sorti de l'enfance, je n'entrevois aucun moyen d'échapper aux pressions extérieures que je subis en silence, comme si j'étais en dehors de moi et de ce corps qu'on n'hésite pas à vouloir mutiler, violer, après avoir violé ma conscience. Les médecins ne veulent pas aider non plus. Alors, maman commence à prendre des renseignements à droite et à gauche, auprès de voisines, pour une amie dans le pétrin. Un jour, enfin, elle revient avec une poire à lavement achetée en pharmacie. De l'eau bouillie et du savon de Marseille feront l'affaire. Résultat garanti. Et de citer une telle qui a pratiqué la chose 13 fois et une autre 17 fois. Les femmes sont encore en vie. Du reste, je les connais fort bien. L'une a 2 fils et l'autre n'en a jamais eu qu'un. Après le déjeuner, je m'enferme dans la salle de bain avec ma bassine et mon engin de torture. Envie de mourir parfois. Suzanne, une cousine éloignée, reniée par sa famille, repêchée par un passant, ne s'était pas jetée d'un pont pour échapper à la honte. Maman n'a jamais fermé sa porte, à celle qui a été engrossée par son patron, un notaire dont j'ai connu la fille au lycée. Et ces infructueux pendant plus d'un mois. Répugnance à farfouiller dans mon corps, odeur fade et nauséeuse. Quand je me relève et me contemple dans la glace, je suis horrifiée par ma pâleur. Mais je retourne travailler dans un état second à mon bureau. Opération d'urgence pour une appendicite après ces tripatouillages dangereux. 8 jours de clinique et de rictus méprisant de la part des bonnes sœurs qui savent. Je rassemble mes forces pour continuer à étudier sur mon lit d'hôpital et faire vivre en moi, en dehors des horreurs de la vie, la jeune fille sage et studieuse. Retour à la maison. Le médecin de famille consent à me donner quelques conseils pour faire partir la chose. Il faudra l'appeler dès l'apparition des premiers caillots. Un soir, mes parents se ruent dans ma chambre où je hurle. Papa me prend la main que je serre bien fort en gémissant. Je vais mourir, j'ai peur de mourir. Maman approche la bassine près du lit au cas où. Caillot sur caillot, pendant des heures, au-dessus de la bassine, certains gros comme le poing, des douleurs à remplir d'extase tous les intégristes de la terre. Juste punition. Ah, femme pécheresse, expie. Au milieu des caillots, une petite chose blanche, visqueuse et gélatineuse, de la taille d'une phalange de doigt. Le médecin, appelé d'urgence, se penche un court instant au-dessus de la bassine et déclare que c'est fini, ou presque. Encore quelques caillots, puis plus rien. Il me fait une piqûre, puis silence dans la chambre. Les parents vont dormir. En attendant Klaus, qui m'a annoncé sa visite il y a quelques jours pour la fin de l'après-midi, je me promène dans le parc, où Heinrich, le schizophrène, arrache les mauvaises herbes de ses parterres de rosiers. Pas une dame cette année ne s'exclame sur ma grâce et ma fraîcheur, tellement je suis pâle et frêle. Maman m'a conseillé de faire comme si rien ne s'était passé. Elle-même n'en parlerait plus jamais. Rien ne s'est donc passé. Alors pourquoi mes yeux se remplissent-ils de larmes pour un oui et pour un non? Oui, oublié. Ce n'était qu'un méchant nuage. La mort n'existe pas. La mort ne m'a pas touché. Il n'y a que le soleil bien chaud et serein là-haut, dans le ciel bleu avec des ombrages bienfaisants. Assise sur un banc face au soleil, je prends ma tête dans mes mains. Que de confusion en moi. Est-ce que je regrette cette chose larvaire qui a vécu au moins 2 bons mois en moi? L'ai-je désiré au moins fugitivement? L'ai-je associé à l'idée d'enfant? Non, jamais. Pourtant, j'aime les enfants. J'ai adoré mes petites sœurs. Moi, la rebelle, l'anticonformiste, je ne me suis considérée qu'à travers les yeux de ma mère et de Klaus. Une souillure de l'honneur familial pour l'une et un obstacle à la tranquillité pour l'autre. Qu'ai-je expulsé? Un chancre, un corps étranger. En aucun cas le fruit de l'amour. Nausée, une fois de plus, dégoût de la sensualité. Que dire de maman qui m'a déclaré le plus tranquillement du monde, le lendemain même de l'épouvantable nuit, qu'une embolie aurait pu m'emporter, que le toubib l'avait prévenu. Oh, saint honneur des familles, tellement plus précieux que la vie de son propre enfant. Je me demande si Madame Steinbach, la femme si douce que j'aide à laver la vaisselle, aurait pu elle aussi exercer une aussi grande violence sur l'une de ses filles. 2 cas d'embolie me reviennent en mémoire. Ma cousine Colombe est morte à 21 ans suite à une fausse couche spontanée, et une adolescente de 18 ans de ma connaissance, aux yeux d'ange, a été arrachée à sa famille et à son jeune fiancé après une opération bénigne, une appendicectomie. Les deux mères ne s'en sont jamais remises. La mienne aussi aurait certainement passé le restant de sa vie à la pleurer, tout en se camouflant à elle-même la vraie raison de la disparition de sa fille. Faut-il en vouloir à des parents incapables de transgresser les préjugés de leur époque et d'affronter le regard d'une société figée dans ses principes et ses tabous? Où ai-je puisé la force d'aller passer mon examen de fin d'année 2 jours plus tard? Une autre en moi s'est levée de son lit, exsangue, celle qui ne s'intéresse qu'aux choses de l'esprit. Abandonnant comme une défroque souillée la pécheresse criminelle, J'ai pris place dans la salle, non loin de la si pure Hélène. Blême comme la mort, vide, je me suis jeté à moi-même le défi de relever bien haut la tête pour ne plus jamais me laisser écraser. J'ai réussi brillamment et même obtenu une allocation d'élève professeur. Sur un coteau surplombant le Neckar, nous sommes allongés dans l'herbe. Il fait très chaud et l'air bourdonne. À côté de nous, Dieter, l'ami de Klaus, lutine Elisabeth qui se laisse faire. Les deux jeunes gens parlent mariage et ont l'air très heureux. Très jolie dans ma robe bleue légère, presque transparente, je me montre sous un jour charmant. À un moment, alors que mon regard mélancolique fixe au loin l'horizon mamelonné, Klaus me dit en me mettant le doigt sur la bouche: C'est oublié. Surtout, ne dis rien. Chut. Je m'interroge avec inquiétude. Ne vais-je pas garder à jamais une secrète rancune à l'égard de celui qui m'a poussé vers une œuvre de mort? Dans sa dernière lettre, il s'est félicité de ce que maman a demandé à notre médecin de famille de me prescrire la pilule récemment mise sur le marché. Vive l'ère de la sexualité libre! Vive l'ère de l'orgasme sans entrave! Que je supporte ce machin anti-bébé, cela n'intéresse personne. La femme n'est-elle pas là pour le plaisir de l'homme? Le soir, à l'hôtel, Klaus me confie que, soulagé par l'avortement, il s'est laissé aller lors de la fête de fin d'année de son école à un léger flirt avec une autre fille. Pour les prises d'absolu que je suis, il ne peut s'agir d'une vétille. Je ne lui reproche rien, mais je n'oublierai pas.